T'inquiète, on s'en tient au plan. Je sais pas pourquoi tu nous parles de God, t'es même pas le meilleur de ta ville de merde. Tu peux vite croire que t'es très chaud quand tu t'entraînes qu'avec tes brels. Normalement je fais pas la compète, mais va bien falloir qu'ils comprennent. Multiplie tes ventes par 3, t'as la moitié de ma première semaine. Avant j'avais rien à perdre, je suis plus fort depuis que c'est le contraire. Avant j'aimais pas l'amour, avant j'avais jamais dire je t'aime. Je cours pour esquiver mes problèmes, mais je tourne en rond donc ils reviennent. La vie c'est dur de base, t'es sur terre parce que quelqu'un a niqué ta mère. Tous les jours je refuse d'échecs, une fois sur 200 j'en accepte. J'ai pas dit que je suis un putain de rebelle, j'ai dit que j'écris des putains de textes. Musique trop fort dans la caisse, je sais pas, c'est peut-être une Mercedes. L'époque de date pif les mixtapes, les soirées je dormais sur la banquette. Combien de fois tu vas dire que je suis dead? 1, 2, 3, 4, ça part en pogo, je suis sur scène. 1, 2, 3, 4, maintenant je sais reconnaître le trait. Il dit que tous les autres c'est des traites. Des vipères, des couleuvres, des pitons, des boas, des cobras, des mambas, bienvenue dans le game. Désolé t'es pas gang gang, Andromède quand je me déchaîne. O-R-E-L-S-D-M, je rentre dans ma période des BZ. Ils ont tous le nez dans la planche, c'est enneigé faut mettre des chaînes. Personne n'a peur de ce qu'il attend, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Gras, j'allume la lumière avec un Glock. J'commence mon couplet avec un gras, j'démarre ma carrière d'artiste avec un pote. J'commence à l'arrière, j'finis devant, j'te file des lits, j'te fais 10 balles le vin. J'pousse cette merde et le soleil le vent, et j'quitterai ce monde avec un verre de vin. Ouais, faute sur moi, j'te laisse guetter la var. J'vise vers toi, j'te laisse guetter la mort. J'ai les mains dans la merde et sur un disque d'or. Tu veux de l'oseille, moi j'peux te faire taffer. Cite mon blason, fais ta fête. Qui t'a fait croire que t'y arrives sans taffer? J'commence couplet quand t'attendais le refrain, yo. Là où c'est propre, nous on vient faire du sale. Chez moi on graille à même le sol. Me fais les becs en ramenant mon pompe à la salle. C'est pas ton pote, ça a ça, il veut se faire ta reçue, il veut se faire ta piolet, ta recette. J'ai peut-être un petit pet au casque, au lieu d'ouvrir on casse. Mais plus fort le son dans la caisse, hein. Chaud, chaud, quand je suis dans celle-là, je suis trop trop chaud. Tu connais l'ami, tu touches ta chef. Pour pas qu'il revienne, tu tires ta chef. Change de chaîne, mais tu verras toujours ma gueule. Si bague au doigt, je suis comme Michael. J'avance en arrière, je suis comme Michael. Peut devenir artiste, influenceur ou sportif. Je peux pas les blâmer, j'ai fait pareil et je m'en suis sorti. Je croyais que j'avais gravi les fraises, j'étais sur une colline. Rien à prouver, j'enlève les étiquettes sur le stony. Trop de tout est toxique, trop de bonnes choses aussi. Y'a une fine ligne entre être un bouffon et un comique. Ils veulent que j'explose la dalle de béton à la John Wick. J'essaie d'être heureux pour qu'ils me lâchent parce que je suis égoïste.